Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Radio Café, chronique française, une série d'Adrien Chevrier et Amélie Perrault, réalisée par Gaël Gillon. Au départ de cette série, il y a l'envie de capter l'air du temps un an après le début du mouvement des Gilets jaunes. Organiser des conversations, tendre le micro, le poser sur le bar, et poser cette question au creux de la Creuse. Comment vivez-vous ? Alors pour commencer, les personnages. Une jeune recrue, un paysan en retraite, un belge dans le désert, un maire, une tenancière avec accent, un couple de semenciers, une secrétaire de mairie dévouée, une agricultrice au boulot, deux exploitants et un homme du bois. Ensuite, le décor. La ruralité, la privatisation, les champs, des concerts, des oiseaux, la solidarité, une mairie, poste, bibliothèque, dépôt de pain, des vaches, le silence et le chant du piston. Aujourd'hui, 4e épisode, ni oui ni non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous êtes... Mais vous êtes étudiant, salarié, quelque chose ? Ouais. Vous travaillez pour une boîte ? Ouais. Laquelle ? Ouais. Vélo ? Ouais. Vous allez répondre ouais à toutes mes questions ? Ouais. Bon, vous êtes une fille ? Ouais. Vous êtes vieux ? Ouais. Tu veux qu'on joue à ni oui ni non ? T'as perdu. Tu veux qu'on rejoue ? T'as encore perdu. Non. Ah ! Bonjour monsieur. Bonjour. Tu veux pas qu'on te donne un enregistreur et tu vas interviewer monsieur Jean ? Ok, alors regarde. Tiens, t'as rien à faire, il faut juste que... Tiens, prends-le dans les mains. Attention, hein. Lâche pas. Alors, quand tu poses une question, tu tends ça vers lui, dans sa direction. Vas-y, on essaye avec moi. Vas-y, pose-moi une question. Est-ce que t'aimes les trains ? Et ensuite vers moi. Et moi je te réponds, j'aime beaucoup les trains, blablabla. D'accord ? Et tu fais attention de pas trop le bouger parce que sinon ça fait du bruit dans le micro. Quand tu le bouges, ça fait une sorte de bruit de vent. Tu veux ? Ouais. Tu veux enregistrer monsieur Jean ? Monsieur Jean, est-ce que t'es déjà allé dans la Lune ? J'ai jamais été à la Lune, non ? T'es déjà allé dans le train pour partir à Paris ? Bah oui. Vous aimez bien votre travail ? Oh, je travaille plus. T'as fait quoi comme travail ? Moi, j'étais agriculteur. Je travaillais, j'avais une ferme. Oui ? Oui. Au début, j'ai travaillé, il n'y avait pas de tracteur. Comment tu faisais alors ? Eh bien, on travaillait avec des chevaux. 2,50. Des chevaux, oui. Salut Michel. Salut. Il est beau le téléphone, hein ? C'est pas un téléphone, c'est un micro. C'est un micro ? Monsieur. Ça va ? Pas du tout. Et vous ? Non, non. Pourquoi pas du tout ? Ça va, ça va pas. Alors, est-ce que je pourrais avoir un café, s'il vous plaît ? Yes, sir. Et moi aussi, s'il vous plaît. Et vous, monsieur, comment allez-vous ? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous pouvez vous aussi que le samedi est un mauvais jour ? Moi, les mauvais jours, c'est lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Non, pas le samedi, je travaillais pas. Mais maintenant, c'est plus compliqué que ça. Il y a 25 ans que je ne touche plus à rien. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail avant ? Courju. Vous faisiez quoi ? Courju. Électricité. Électricité. Comment vous appelez, monsieur ? Marambert. Et votre prénom ? Bernard. Est-ce que vous venez souvent au café ? Tous les jours. Alors, la fin ? Je veux pas travailler, ça craint rien. Hein. Je veux pas y retourner. Ça me suffit. Vous aimez habiter ici ? Ben, sans disparaître comme partout, deux, trois par semaine, et puis bon, ben, ma foi, on fait avec, hein. Les vieux, il faut bien qu'ils crèvent, puis les jeunes, ben, il faut bien qu'ils vivent. De toute façon, on ne va pas se mettre à leur compte à nouveau, ni à vieux, il n'y a rien. Qu'est-ce que je voulais faire? Et tu parles comme ça, normalement, tu parles triste comme ça, normalement. Normalement, tu souris, et ce soir, tu es triste. Oh non. Il a pas une charte, il a pas une charte. Oh non. Vieurs, dans les terres de l'Allier. À quoi tu réfléchis là? Ah, je réfléchis. Mais à quoi? Ah, quoi je ferai quand je serai grand? Je serai docteur. Ouais. Pourquoi est-ce que tu veux devenir docteur? J'écouterai le corps. Je donnerai des médicaments. Plein de trucs. Tu es dans une classe où il y a trois niveaux, c'est ça? Ouais. Entre les différents élèves, vous vous aidez? Oui. Ça fait du travail de groupe. Vous faites du travail de groupe entre les différentes classes? Oui. Quand la maîtresse, elle nous donne du travail de groupe, on se met en groupe et on travaille. Vous avez beaucoup de travail? Non, ça va. On a de la lecture, des mathématiques, des exercices. Oh là là, ça me dit bon. Vous pouvez pas mettre le son un peu là? Tu veux qu'on aille leur demander ce qu'ils font? Ouais. Tiens, viens, on va leur demander. Viens. Oh là là. Attends, faut pas que tu bouges trop la main sur le micro sinon. Hein. Bonjour! Oula. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur! Monsieur! Qu'est-ce que vous faites? Ok, pas de problème. Au revoir. T'as compris ce qu'il a dit? Ouais, il faut une maison. Ah, mais attends, il a dit un truc plus précis. Ah non, j'ai pas bien entendu, mais c'est attends, pas grave. Attends, mais tu touches le micro après, moi, ça me faisait juste dans le casque. Voilà, donc nous venons de Belgique et nous passons nos vacances en France. On a un peu quitté les axes principaux, les axes routiers, hein, le style Lyon ou Limoges, et on a l'impression que la France est vide, tout à fait vide. On roule des kilomètres et des kilomètres, on voit rien, on voit pas de café, on voit pas de vie, presque. La France se vide. On se dit, bah, les gens doivent aller sans doute dans les villes, de plus en plus. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'on revient du Lot, par exemple, et que dans le Lot, il y a énormément de petites maisons à vendre et qui ne se vendent plus, et qui sont pourtant à un prix tout à fait dérisoire. On a entendu parler d'une petite maison pour 18 000 euros. 18 000 euros, enfin, c'est le prix d'une voiture. Donc cette impression de vide en France, et ici en traversant donc l'Allier, un peu par hasard, on fait des kilomètres et des kilomètres, et on ne voit rien. Donc je comprends un petit peu, quelque part, les revendications parfois des Gilets jaunes, puisque en Belgique, nous suivons l'actualité française de très près. Hein. On capte Antenne 2, TF1, etc. Et on suit donc de près cette actualité française. Et il se confirme, en traversant la France, que l'on aime beaucoup, hein, on est très francophile, cette impression de vie, de no man's land, de rien, quoi. Voilà, de rien. Voilà. Alors, par contre, je vais quand même dénoircir un peu le tableau. Hein. Les gens qui viennent chez nous, ben, en principe, ils repartent pas. Le gros problème chez nous, c'est que tout ce qui peut exister n'est pas rentable. Les entreprises ne se bousculent pas pour installer des antennes de téléphone mobile, par exemple, ce qui fait qu'on a tellement de zones blanches, même si on nous annonce des chiffres à 90-95% de couverture, voilà, on est toujours dans les 5% qui restent. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que les 5%, ils sont énormes, quoi. À tout endroit dans la campagne, on ne passe pas. Donc voilà, oui, on peut toujours annoncer des chiffres, c'est toujours la même chose. C'est la même constatation, hein, c'est ce que vous dites, ces zones blanches ou les zones sans communication, peut-être sans émetteur. Encore une fois, c'est dû à la géographie du pays, je crois. C'est... Alors moi, je tiens juste à dire, je pense pas que c'est dû à la géographie du pays, je pense que c'est dû à la privatisation de tous ces... Aussi, oui, bien voilà, sûr. Bien sûr. Tous bien ces sûr. Moyens de communication oui. font oui. que c'est tout devenu oui. privatisé. Absolument. Après, la ruralité en elle-même, c'est pas une contrainte. Ça n'a jamais été une contrainte, parce que je me rappelle toute petite, les médecins, il y en avait. partout. Oui, sans doute. Les hôpitaux, il y en avait, mais maintenant, c'est que de la décentralisation, c'est que de la privatisation. Ils sont en train de tout détruire. Oui, donc avant, dans la France, on pouvait très bien vivre dans n'importe quel milieu rural. On avait toujours le médecin de campagne, il se déplaçait. Là, maintenant, à l'heure actuelle, pour trouver un médecin, c'est la galère. Donc c'est vrai que maintenant, les maternités, avant, ça n'a jamais été un problème pour aller à la maternité. Non, mais avant, c'était pas un problème. Maintenant, ça devient un autre problème et ils disent que c'est la ruralité. Alors que non, maintenant, c'est les gens qui vont vers les villes, qui veulent la décentralisation de tout ça. Et en même temps, je pense que tout le côté de privatisation, tous les moyens publics qui étaient existants à l'époque ont été complètement détruits. Et les gens, ça, ils s'en rendent pas compte. Un jour, ils vont s'en rendre compte, ils vont commencer à comprendre, mais ce sera trop tard. Voilà pourquoi on n'arrive plus à faire les choses dans le milieu rural. La politique veut que le milieu rural meure. Point. Le mot-clé, la privatisation, la rationalisation, la privatisation, et c'est ce qui nous pend au nez de tout le monde. Mais enfin, voilà, j'étais en tout cas très heureux de partager un petit moment avec vous. Donc, je vais vous laisser. Je ne sais même pas dans quel village je suis, le nom du village. Alors, là, je vais vous répondre tout de suite. Quand même, oui. Ah, oui. Vous êtes dans la commune de Vieure. Voilà. Vieure. V-I-E-U-R-E. Oui, parce que moi, en traversant ici, je trouve que c'est vraiment agréable. Je me suis très content d'être arrêté ici. Puis j'ai vu qu'il y avait un plan d'eau. J'ai presque envie d'aller voir au plan d'eau. Je parle des températures actuelles. Hein, c'est vraiment sympathique. En tout cas, je rends la parole à monsieur le maire. Mais moi, en tant que touriste de passage, je trouve ça très, très bien. Je vous conseille de venir en vacances. Voilà. Voilà. C'est une commune de 280 habitants. C'est une commune qui fait 2800 hectares, avec une partie, il y a 800 hectares de forêt domaniale dessus. Donc il reste grosso modo 2000 hectares d'exploitation agricole. Voilà, alors après on a notre bar effectivement qui tourne, qui anime la commune quand même assez régulièrement. Et c'est un plaisir de venir boire un petit coup, écouter les nouvelles du bourg. Dès qu'on va au bar, on apprend quelque chose, quoi. Ici, il n'y a pas grand monde dans le bar ce matin. Est-ce que ça arrive souvent que ce soit comme ça? Oui, beaucoup de fois. Le seul jour que ça marche chez nous, vraiment, c'est le dimanche matin pour le marché et les soirées musicales qu'on organise, les trucs apéritifs ou bien sûr les réservations privées. Vous, avant d'arriver ici, vous avez eu une vie très différente. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je dirais même plus, on a le sentiment, en discutant avec vous, que vous avez eu un peu deux vies. Oui. Bon, avant de venir ici, nous sommes professional musicians. On a travaillé pour un groupe qui s'appelle Sons of the Desert. Et nous avons deux ou trois disques sortis avec plusieurs maisons de disques. Beaucoup de tournées. On a fait une tournée en Japon, Corée, Hong Kong, Inde. Italien, Allemagne, Suisse, partout en fait. Partout en France, Angleterre, Irlande, beaucoup de fois en Irlande. Whenever you're ready. Are you ready? You ready, Ruby? Ready, you? Et on a pas, en fait, on a obligé à payer un assistant maternel pour garder les enfants. Et pour les trois enfants, on a payé plus cher pour garder les enfants qu'on est payé pour le spectacle final. Parce qu'on partait en 10 jours, pour une tournée, on paye l'assistant maternel pour les 10 jours. On arrive, on avait peut-être 200 euros qui reste. Et quand finalement, j'avais dit, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on reste avec les enfants? Qu'est-ce que ça représente pour vous de tenir un café? Bonne question. Je suis née, mes parents, ils avaient un bar avant, hein, en Angleterre. Comme ça, je suis née dans le monde du commerce. Mais Ewan, non. Ewan, mon mari, non. Il n'a jamais fait le bar. Il n'aime pas faire le bar. Après, mais il aime bien faire la musique dans le bar. Vous travaillez tous les jours? Oui. Tous les jours, oui. Est-ce que vous aimez tenir le bar ici? J'aimais. De temps en temps. Mais j'aimais, mais c'était difficile de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours être présent. Et c'est plus fatigant s'il y a moins de monde que s'il y a du monde. Pourquoi? Parce que, en fait, l'énergie passe, on discute. Pour moi, de temps en temps, c'est long. Je reste debout, présent, pour 6 heures par jour. De temps en temps, on n'a personne. De temps en temps, on a du monde. Ça, c'est difficile. C'est pour toujours rester toujours présent, toujours avec un sourire. Est-ce que vous connaissez bien les gens qui viennent ici? Au début, non. Mais maintenant, ils deviennent d'amis de nous, en fait. Au début, nous avons les Hollandais qu'on ne connaît pas. Maintenant, c'est les amis de nous. Même Bruno qui vient chaque journée. Et, il est devenu ami aussi. Et c'est plutôt une petite commune qu'un bar, en fait. De temps en temps, je dis, de temps en temps, Uni, ils font peuple bar pour 2 jours. Ça m'arrive vraiment. Et après, on attendait la voiture de Bernard. Il dit, oh merde, je l'ai fermé le bar, putain. Et après, une autre personne, il parle dehors. Elle est fermée? Oh, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, mais en fait, ça, c'est mon problème. Je suis trop proche de les clients qui viennent chaque journée. Je me sentais obligée à ouvrir. Il faut mieux penser de nous, pour moi. Ah, tant pis, on ferme. Mais voilà, parce qu'il faut en payer le prêt, ici. Si chaque journée, on a 5 ou 6 clients, et le dimanche matin, on a beaucoup de clients, on arrive bien à payer le facture, le prêt, mais juste. Tu sais, on vit jour à jour. On vit jour à jour, voilà, comme ça. Oh, bonjour. Ça va, Brigitte? Ça va. Ça, c'est Brigitte, secrétaire de mairie. Bonjour. Alors, tu veux un café? Non, ou un sirop? Un sirop. Un sirop de pêche? Ouais. Et vous êtes la secrétaire de la mairie, alors? Oui. Vous venez souvent ici? Oui. On est amis. C'est secrétaire et ami aussi. La mairie d'un village de 200 habitants, elle ouvre avec quelle régularité? Tous les matins. Je fais aussi la mairie et la poste. Après, je fais aussi à la mairie, je fais aussi le dépôt de pain. Donc la mairie fait boulangerie aussi. Voilà, bibliothèque aussi. Donc c'est assez. Oui, mais bon, c'est un service. Enfin, c'est rendre service aux gens, quoi. Elle fait plus qu'elle est payée. Elle fait beaucoup de choses comme plus, hein. C'est vrai. Super. Ah, c'est Fiona, avec ma fille. Alors, tu veux dire quelque chose de frais, peut-être? Oui, je fais un vichy bien frais. Un vichy, oui. Il y a les gens du cru, il y a ceux qui sont nés ici, qui ont les parents, qui ont les grands-parents, qui ont toute la famille au cimetière, qui ont des terrains depuis des années, en particulier dans le milieu agricole. Et puis, parfois, ils s'ouvrent, et parfois, ils restent entre eux, parce qu'il y a la peur de l'inconnu, sans parler de l'étranger, de la nationalité. Moi, je me sens, quelque part, toujours étrangère vis-à-vis de certaines personnes ici, parce que, même si ça fait 42 ans qu'on a acheté cette ancienne ferme, voilà, je suis pas bourbonnaise, je suis pas duroise, je suis pas bourbonnaise. Tracy serait doublement étrangère à ce moment-là. Oui, de même que mon mari était doublement étranger puisqu'il était marocain, quoi. Et ça, c'est des choses qui pèsent quand même, quoi. Même si les gens se disent ouverts et tout, voilà. C'est difficile parce qu'il y a deux côtés dans le bar. C'est comme ça. Je discute pas trop de politique avec tout le monde parce que nous avons un monsieur qui il a voté pour Le Pen. Et il est vraiment Le Pen. Mais politiquement, on est vraiment à part. Mais il était toujours respectueux avec moi. Mais c'est ça, c'est un petit peu. C'est comme vous avez parlé avant. Qu'est-ce que c'est facile de faire le bar ou que, ça, c'est le truc qui m'a. Parce que j'ai obligé à fermer ma gueule. Il a fallu apprendre beaucoup de choses. Oui. Je crois qu'on fait partie du village parce qu'on est bien aimé. On dit peut-être 40% du village, ils nous aiment et 60% ils nous aiment pas. Quand c'est le 40% qui nous aime, ça me donne l'énergie. Et après, on veut bien animer le village. On est à Vieure, petit village du Bourbonnais, situé entre Bourbon-l'Archambault, Cône-d'Allier, Sérilly, pas très loin de la forêt de Troncé. C'est un petit village accueillant. On est au bar des Shields, dans lequel il y a eu une fête hier. Je suis en présence de gens du village. Il y a Brigitte qui est là, il y a Jenny, il y a Yolande et Serge, et on est autour de la table, et moi, Mikou, et il y a les voitures qui passent. On est sur le petit village de Vieure, donc je disais, il y a la place du café avec la grande croix, et on peut peut-être commencer cette discussion si vous voulez. Toi qui es extérieur au village, comment tu perçois la manière dont les uns et les autres vivent ici, parce qu'on ne vit pas tous de la même manière. Donc toi, que perçois-tu en étant un non-habitant de Vieure ? Alors moi, je suis un non-habitant de Vieure, mais je suis même pas originaire de l'Allier. Mais j'ai toujours vécu dans les campagnes de plusieurs régions de France. On a une activité semencière avec ma compagne. On fait des semences de légumes et de fleurs. Donc c'est une toute petite association. On n'a pas la prétention de devenir énorme ni rien. Mais on aimerait s'installer en agricole. Et c'est pas un truc qui vient d'ici, c'est un truc de la campagne. C'est que si t'as une petite exploitation, que tu veux une petite exploitation, nous on aimerait travailler sur la moitié d'un hectare par exemple. Et ben le monde agricole, il laisse pas la place à ces petites exploitations. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient s'installer avec des petites exploitations, des petits trucs. La politique agricole, elle fait que si tu veux t'installer en agricole, tu vas être obligé de prendre beaucoup de terrain, tu vas être obligé de te diversifier, de bosser comme un âne. Et j'ai l'impression que ça fait d'un côté des gens qui aimeraient s'installer, beaucoup de gens qui aimeraient s'installer, et d'un autre côté des gens qui sont déjà installés depuis longtemps et qui veulent, eux, s'emparer des terres qui restent. Et ça fait d'un côté, j'ai l'impression, des gens qui ont une activité agricole qui sont deux à bosser sur 200 hectares, enfin je sais pas, je dis ça au hasard, et 200 personnes qui aimeraient bosser sur un hectare qui n'ont pas la place de le faire. Voilà, c'est un problème que nous on a rencontré en tout cas. Mais c'est aussi une question politique là, non ? Oui, mais je pense que c'est le problème aussi de la cession reprise. Quand tu reprends une exploitation agricole, tu es obligé de prendre 85% de sa surface de terre pour avoir le droit de t'installer. Mais si tu n'es pas jeune agriculteur, tu n'as pas un accès aux terres en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, après ça bloque, ouais, si d'accord. Si tu es jeune agriculteur, et si tu es jeune agriculteur, eh bien, tu es obligé de rentrer dans le système du crédit, de rembourser, de devoir montrer des chiffres alors, chaque année. Ou alors, il faut acheter après une maison avec du terrain autour. Voilà. Ben, nous, on est dans cette situation, on n'a pas acheté une maison, mais c'est James qui nous prête son terrain pour qu'on puisse faire l'activité. Ouais, mais on n'est pas en agricole. Oui, tu es obligé. Tu as déjà ton habitation, mais tu veux juste j'aimerais un bout de terrain pour pouvoir faire ton produit. Voilà. Moi, j'aimerais que mon activité elle puisse être reconnu légalement. Le problème, enfin, c'est qu'à l'heure actuelle, le gars qui va laisser ses terres, il ne va pas s'emmerder à vendre juste un petit bout de terrain à quelqu'un. Et, même, et après, les autres, ils vont se dire, bah, non, non, nous, on veut tout récupérer. Quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, il est là. C'est qu'après, les exploitations, c'est plus. Et ben, moi, je trouve il faut que c'est... qu'on gratte tout et qu'on bouffe tout, mais on ne laissera pas la place aux petites exploitations. Ouais. Comme dit Yolande, c'est le système de la politique à l'heure actuelle qui te pousse à avoir bah, plus et puis plus produire. Et en fin de compte, c'est le chien qui se mord la queue parce que bah, t'es dedans et puis t'en vois pas la fin. Quoi. Ouais, c'est vraiment un cycle vicieux. Quoi. Et j'ai fait au bout d'un moment, il faut peut-être réfléchir à ce qu'on veut exactement. Peut-être revenir plus petit, mieux y arriver et tout le monde peut travailler. Parce que du travail, il y en a pour tout le monde. Parce qu'après, ben, c'est sûr, tu auras peut-être 4 gros sur le secteur, ils vont tout y avaler, puis le jour qu'ils vont couler, tu n'auras plus rien. Ah et oui, puis ça va d'accord. se vendre à des puis, prix après les surfaces de terre, après c'est à des prix, mais ça monte les prix, mais il y a un truc de mal. Et qui c'est qui peut racheter ces terres-là? Il n'y a personne qui peut racheter. Il y a l'agriculteur de Tonneuil qui disait qu'il voulait vendre son activité parce qu'il n'en peut plus, et qu'en réalité, il n'y a personne qui peut lui acheter son activité. Non, parce que ça coûte trop cher. Mais alors, tout ce fonctionnement que vous décrivez dans le monde agricole, quelles conséquences ça a sur, par exemple, la vie ici du bourg? Enfin, je ne sais pas, ça. Est-ce qu'il y a une scission entre, j'emploie volontairement le terme, hein, entre des gens qui exploitent sur des domaines de plus en plus vastes, en s'endettant énormément, donc effectivement, ben, ils sont acharnés au travail, mais pour pouvoir survivre? Est-ce une raison par exemple, pour laquelle on ne les voit pas quand il y a ici au oui, bourg des animations. Moi, la première, je ne peux pas venir à chaque fois, hein, parce qu'avec le boulot, ce n'est pas faisable. Tu ne peux pas être partout. Ce n'est pas possible. Après, c'est dès l'instant que tu veux prendre, par exemple, 5 minutes, dans ta tête, tu dis oh, j'ai encore ça et ça et ça à faire. Tu regardes l'heure, enfin, tu ne vis pas, quoi. L'avantage que j'ai, donc on travaille à deux, donc après, si je dis à mon frère, bon, ce week-end, Tracy fait un truc, moi j'y vais. Hein. Mais à chaque fois, j'arrive à 8h30, 9h, et non pas en même temps que tout le monde, 7h30, où tu te dis, bah, tiens, tu peux te détendre, prendre l'apéro avec tout le monde. Bah non, c'est déjà tout attaqué, et puis voilà, et tu profites de pas grand-chose en fin de compte. Et Brigitte, toi, de la mairie, tu perçois ces phénomènes-là? Tu les analyses comme ça aussi? Ah, de la mairie, ben déjà moi quand je suis arrivée, je suis arrivée en 97, il devait y avoir 35 exploitations. Au jour d'aujourd'hui, il y en a peut-être 10. Mais en quoi justement, bon moi quand je suis arrivée ici en 77, on m'a dit tu arrives dans la mer rouge parce que toutes les communes ici avaient un maire communiste. Et donc au niveau des conditions de vie, des ambiances de vie, est-ce que c'était différent? Il y avait une convivialité, une solidarité autre qu'aujourd'hui, par contre. Oui, ça c'est Mais les exploitations étaient plus petites aussi. Mais les exploitations étaient beaucoup étaient plus petites. Petites hein. Et puis les gens étaient plus présents les uns pour les autres que là à l'heure et actuelle. Plus non. Proches. Plus proches aussi les uns des autres. Dans les hameaux, ouais, mais même après, il y avait plus de familles, plus de foyers, comme on disait autrefois, qu'actuellement. Maintenant, ce sera plutôt celui-là qui va couler et qui va finir pour y prendre sa terre, ses fermes, sa ferme, tout ça. Hein. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Hein. C'est la loi de la jungle? Oui. Vous a prêté un enregistreur? Oui. Qu'est-ce que vous avez enregistré avec? Alors, j'ai enregistré un matin, je me suis dit, bah tiens, on peut faire un petit peu de bruit, bromer avec moi. Et puis, bizarrement, je sais pas, ça va être même moi, le micro devant elles, elles se sont dit, bon, on va juste manger, puis on va se taire. Donc, elles n'ont pas fait grand-chose. Et après, j'ai enregistré les volailles. Mais là, par contre, ça fait du bruit, ça, il n'y a pas de souci, donc j'ai eu de la chance. Donc les vaches sont intimidées par le micro, en fait. Eh bien, à croire. Bon, alors, soit elles l'ont senti sur moi, mais je sais pas. Bizarrement, ben, je suis là ce matin. Il n'y avait pas grand bruit. Hein. Quel son il y a habituellement quand vous allez les voir le matin? Ben, elles parlent, comme tout à l'heure, un petit peu. Elles parlent, elles réclament leur farine, le foin. Oh, c'est l'heure de manger. Voilà, après, on les entend chanter. Et vous, vous leur parlez un peu ? Oui, moi je parle beaucoup à mes animaux. Mais là, j'ai pas parlé quand j'ai enregistré. Je me suis retrouvée un petit peu bête du coup. Comme quoi, il y a une présence à côté, on se dit merde. Mais sinon, oui, je parle beaucoup à mes animaux. Oui. Qu'est-ce que vous leur racontez ? Mes problèmes, je chante des fois. Non, mais après, quelqu'un qui parle tous les jours, oh là, j'ai oublié de faire ça, non. Et puis on continue de faire son boulot machinalement. Et puis. Mais je parle toujours. Je lui fais, ah, tu vas bien aujourd'hui ? Ça va ? Un petit câlin. Une fois, je me suis prise en photo avec une de mes vaches, avec son petit bonnet de Noël. Joyeux Noël à tout le monde. On met ça sur Facebook pour les amis. Et donc les animaux qui sont ici sont destinés à produire du lait ou à l'abattage ? L'abattage, c'est pour la viande. Donc là j'en ai quelques-unes. J'en ai une qui est avec son veau qui est malade, une autre qui est toute seule parce que son veau est mort, donc elle va partir à l'engraissement. Et en pension, j'ai 3 normandes. À quelle heure vous commencez le matin et à quelle heure vous finissez le soir ? Alors aujourd'hui, j'ai pas été très productive dans le travail, donc j'ai pas fait grand-chose, on va dire. Sinon, ça dépend les moments donnés. Moi, le matin, pendant les périodes de vacances, je viens à 6h30. Après, j'avoue, 6h30, j'attaque pas le travail tout de suite parce que c'est ma pause café, c'est le moment où on se réunit, on peut discuter tous ensemble, essayer de programmer à peu près la journée, voir ce qui va pas, les petites histoires des uns et des autres. Enfin, c'est un petit moment qui est important de faire. Avec votre frère et vos parents ? Avec mon frère et mes parents. Parce que ma mère a toujours son exploitation à elle, donc en même temps, voir si elle a besoin d'un coup de main, s'il y a des bêtes qui sont malades ou s'il faut changer un lot de champ. Donc voilà, on programme un petit peu notre journée comme ça. Enfin, on essaye, il y a toujours des imprévus de toute façon. Après, 7h30, mon frère, il va sur le tracteur. En ce moment, là, il va donc mettre le foin. Après, c'est tout dépend. Si après, mon frère, quand il a fini, c'est soit il fait de la mécanique. Moi, soit je me mets dans le bureau, je fais mes papiers, soit je m'occupe des volailles. Après, vers les 11h30, midi, je rentre chez moi, je m'occupe de mes enfants, un petit peu quand même. Je mange, et puis après, soit je fais un petit peu d'affaires chez moi pour en profiter. Et après, je rattaque le boulot, donc dans l'été, on va dire vers les 14h, voire 15h, ça dépend. Ça dépend vraiment des journées. Il y a des journées comme demain matin, on va avoir l'abattage des volailles à faire, ça on le fait nous-mêmes. Donc après, plus alimenter les bêtes, plus après, moi, il faut que j'alimente après mes volailles, qu'on répare une connerie sans arracher un fil électrique. Donc il y a toujours des petits trucs qui se mettent dans une journée où on ne peut pas programmer. On ne peut pas dire on embauche à 8h, on embauche à midi, on embauche à 14h, on débauche à 17h. C'est très aléatoire. Mais ça peut être tout le temps en fait. C'est tout le temps. Il y a toujours un imprévu. Des fois, on va nous appeler le dimanche soir, ah, t'as des bêtes qui sont sur la route parce qu'elles sont sorties. Ou alors, si c'est en plein hiver, il y a une surveillance au niveau du bétail. S'il y a une vache qui est en vélage, on est obligé de surveiller, voir si ça va bien se passer. Ou soit, on appelle le véto. Donc après, des fois, tu vas finir, il va être 11h le soir. Quoi. Ça dépend. C'est quand la dernière fois que vous avez pris des vacances ? Alors, moi, la dernière fois, j'ai pris des vacances. L'année dernière, non. Mon frère, si, l'année dernière, il a pu se prendre 4 jours, 4-5 jours à peu près. En 2015, je me suis pris 2 jours. Mais sinon, depuis que je suis installée, pas vraiment. Mais là, cette année, si je me prends 5 jours. Et vous parliez de la PAC, de la politique agricole commune. Combien est-ce que vous touchez de la PAC, vous ? Nous, il faut compter à peu près entre 85 000 et 90 000 euros. Par an ? Par an. C'est une somme énorme, mais j'en vois pas la couleur. Ça me paye après, ça me permet de payer mes emprunts, de payer mes fermages, de payer quelques fournisseurs, tant bien que mal. Mais bon, après, voilà. Mais bon, une exploitation qui roule super bien, où il y en a, ça se passe très bien, qu'ils y arrivent. Hein, parce qu'il y en a qui arrivent à mettre leur PAC de côté pour pouvoir investir du matériel et tout ça. Mais bon, nous, on est partis avec beaucoup de difficultés à la base. Donc bon... C'est une exploitation qui était déjà en grande difficulté. Donc quand j'ai repris avec mon frère, donc les problèmes financiers étaient là. Donc faut du temps. Et puis après, on a eu des gros soucis aussi. On a perdu 37 veaux une année. Donc ça, ces 37 veaux-là, tu les retrouves pas l'année d'après pour les mettre en vente. Donc tu as un problème de trésorerie. Plus après, s'il y avait des femelles dedans, tu les retrouves pas dans ta production. Et puis après, on est obligé de faire un achat de cheptel, de racheter des bêtes en plus pour pouvoir retrouver notre rythme de croisière. Et là, on commence tout juste. Donc, il faut laisser le temps. Donc, en attendant, on serre des coudes. C'est quoi ce que vous appelez en grande difficulté au départ? Comment dire, gros souci financier parce qu'il n'y avait pas assez de dettes à l'époque pour mettre en vente, donc il n'y avait pas de trésorerie. Mon frère s'est retrouvé en grande difficulté face à une banque qui lui a dit non, je ne t'aiderai pas. Donc il s'est retrouvé, oui, la corde autour du cou au bout d'un moment, en se posant la question, je fais quoi? Je continue, j'arrête, je vends tout. Et après, c'est vrai que c'est un patrimoine familier qu'on a envie de garder. Donc, un peu pour ça aussi que je suis revenue dans l'Allier, pour me dire, c'est de trouver une solution à deux. Et puis voir qu'est-ce que moi, je peux apporter de mon côté. Puis avec les nouvelles lois, après, en se disant, il y a un autre installé qui arrive. Donc moi, j'ai apporté des terres, j'ai apporté du bétail en plus. Donc après, comptablement, puis avec les banques, on a vu que le projet était faisable. Il fallait essayer de remonter tout ça. Mais on a repris. Moi, j'ai repris l'exploitation. Après, je n'ai pas m'en caché. Hein. Il y avait 90 000 euros de dettes. Et ça, tu les noies pas comme ça en une année, quoi. Donc, voilà. Après, il ne faut pas avoir. Dans l'agriculture à l'heure actuelle, je pense que les gens, ils ont honte de dire j'y arrive pas. C'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas que quelqu'un va être feignant. Loin de là, un agriculteur feignant, je ne connais pas. Tout le monde a ses difficultés, il t'arrive une couille comme des bêtes qui vont être malades et puis tu vas perdre je sais pas combien de veaux comme nous on a eu une époque, 37 veaux, et là ça te fait un manque dans la trésorerie. Après soit une mauvaise année comme la sécheresse, il y en a ça va les tuer quoi. Et il y en a ils parlent pas, ils disent rien, donc ils sont en train de se noyer au fond du trou et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides dans l'agriculture. Énormément, parce que les gens se sentent seuls. Et pas compris, parce que les gens à l'extérieur se disent « Ouais, non mais attends, t'as un beau tracteur, t'as les aides de l'État. Ouais, mais ça fait pas le tout. » À côté, t'as ton téléphone qui sonne tous les jours en disant « Tu payes ou pas ?» Une exploitation comme la vôtre ici, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'elle aurait besoin? Nous, la nôtre, gagner au loto. Gagner l'auto, vendre mieux les produits, surtout à l'heure actuelle, revaloriser notre travail, c'est surtout ça. Pour comme ça, au moins, au niveau de la trésorerie, ça roulerait 10 fois mieux. Et puis, au moins, je serais agréablement super contente de pouvoir payer mes fournisseurs. C'est compliqué. Et puis, pour revenir sur le cas de Vieure, on a aussi le sentiment, à discuter avec les gens qui viennent au café, à voir qui est-ce qui est en café et qui est-ce qui n'y vient pas. On a aussi le sentiment que les agriculteurs ont du mal à se gérer les coûts d'ici. Oui, mais c'est comme ça partout, je pense. Le problème, c'est que ça t'évolue dans un système à l'heure actuelle où tu as tellement la tête dans le guidon que tu penses qu'à toi, à t'en sortir, et puis l'autre, s'il n'y arrive pas, tant pis, quoi. C'est malheureusement, c'est comme ça. Et donc non, on essaye. Avec mon frère, on n'a pas cet état d'esprit. Enfin, on se dit, merde, attends, t'en as un qui est malade, tout ça, on va essayer de trouver une solution. Même si tu fais des heures, là je vois mon frère à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, il est en train d'aider un gars qui est en entreprise et qui fait de la moisson. Il a un gros problème de santé. Mon frère, il fait écoute, j'y vais, je vais conduire la batteuse. Puis t'y vas, quoi. Ça, c'est de l'entraide. Après, tu cherches pas tes heures, tu regardes pas ton temps, quoi. Tu essayes d'aider ton voisin. Si on a un voisin qui a un problème avec un tracteur, on essaiera d'aider. Mais après, le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que maintenant, les gens ne parlent plus. Donc, les gens, tu vas pas y voir s'ils ont un problème et s'ils ont besoin de quelque chose. Donc, des fois, on le sait pas. Parce que chacun se noie dans son petit truc et puis c'est tout, quoi. Et puis après, tu as la honte. Tu n'as pas envie de faire voir aux gens que tu n'y arrives pas, quoi. Alors qu'il n'y a pas de honte. On est tous là. Ça arrive à tout le monde, quoi. On a tous nos problèmes, nos faiblesses, et si on s'entraide pas à l'heure aujourd'hui, on est mal. Hein. Et le problème, c'est que oui, il y en a beaucoup. C'est la politique d'aujourd'hui, je pense, c'est s'agrandir, prendre plus. C'est la guerre des terres. Voilà, Ouais, je vais téléphoner à Clu, le voisin paysan qui a des vaches. Je vais voir s'il répond. Oui, allô ? Allô, Olivier, c'est Mikou ? Ouais, Mikou. Ça va et toi ? Ça va. Bon. Et dis-moi, je te téléphone pour savoir si, si t'es chez toi en ce moment ? Ouais. Ouais ? Tu crois que je pourrais te faire un petit coucou ? Ouais. Ouais. Et j'ai une petite, un petit truc à te demander. Je fais un truc avec la radio et je voudrais savoir si je pouvais t'interviewer sur, sur les conditions de travail. Pourquoi pas ? T'aurais envie de ça ? Ouais, ouais. Ouais, ça marche ? Tout de suite, ouais. Et ben, ouais. Je sais pas si t'es chez toi, je peux passer tout de suite carrément. Bah, moi, je suis chez moi, là. Je suis en train de regarder un Maigret. Tu regardes un Maigret. Ok, cool. Bon, et ben, je te fais un bisou et je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, bisous. Là, peut-être on peut décrire le château dans lequel on est. C'est par rapport, si tu fais une petite description pour que les gens ils imaginent dans quel château on est rentré avec les. Ouais, bah mon petit château, ouais. Mon château il est plutôt petit. C'est une petite maison qui doit valoir maintenant, si je la vends, 30 000 euros. Ouais. On est loin des moyennes mètres carrés parisiens. Ouais, ouais, on aurait pu bluffer, hein. On aurait pu dire que tu étais dans un château qui avait des pots de léopard au mur et tout ça, hein. Ça mmh. Ils savent pas après. Voilà. Qu'est-ce qu'on a, de quoi on a discuté. J'essaie de faire écho à la discussion qu'on a eue pour qu'ils puissent faire le montage. Ouais. Et toi, t'as plutôt, en plus, t'as une exploite qui est plutôt. Enfin, je sais pas, quand on en parle, tu dis plutôt que c'est une exploite que t'as avec ton frangin qui est plutôt une petite exploite par rapport à ce bah, qu'il y a. J'ai 230 hectares et maintenant ramener au bonhomme, quoi, ramener ouais, à l'associé. Ouais. On fait partie des petites exploitations en ouais. Plein futur élevage. Ouais. Ouais. Je vois dans mes collègues, tout ça, en moyenne, on plus que moi. Ouais. À part dans des trucs spécifiques comme le maraîchage, tout ça, où les surfaces sont plus petites, ouais. Mais dans polyculture élevage, comme nous on fait, on a une petite exploitation, alors que mon père vivait sur 57 hectares, ouais. Et nous on a 230, quoi. Et on vit pour mieux que mon père. Ouais. Ouais, c'est ça, tu bosses plus, on est deux, tu gagnes moins de thunes, quoi. Ouais. Et quand tu vois Charles, j'aimerais bien aller l'enregistrer aussi, qui a fermé boutique, tu vois, enfin, qui a arrêté de faire du maraîchage. Johan et Marion aussi, qui sont pas loin, qui ont arrêté de faire du maraîchage. Je sais pas où ils en sont. Christophe, il en peut plus. Il y a le petit maraîcher de Vieur, là, qui s'appelle Oleu. Oleu, si ouais. Ben, il a arrêté cette année aussi. Mais moi, je pense qu'ils sont mal organisés. Enfin, tu vois, je suis pour la vente directe. Mais je pense que, par exemple, le cas des maraîchers, il faudrait qu'ils se fédèrent. Qu'ils se fédèrent, qu'il y ait plein de petits maraîchers. Qui se mettent ensemble, qui montent, enfin plein ou pas plein, sur un petit truc, sur une structure géographique, tu vois, d'un rayon de je sais pas combien, moins de 50 bornes, ouais, ouais. Et qui se disent, ben voilà, nous on se met ensemble, on vend notre produit, parce que tu peux pas sinon. Ouais. C'est compliqué pour un type tout seul. Il faut se fédérer. Je te pique une clope. Vas-y, tiens. Un vrai politique en ce moment, il devrait se poser la vraie question, savoir comment. Tous les agriculteurs ne pourront pas irriguer. Moi, pour les générations futures, parce que nous, moi j'ai 50 ans, j'en profiterai pas. Ouais. Mais en ce moment, il faudrait subventionner l'agroforesterie. Ouais. Mettre les champs à l'ombre. Ouais, c'est vrai. Et produire de l'énergie aussi en même temps par du bois, tu vois, qui est quand même une substance qui repousse. Qui... Ouais. C'est ça qu'il faut subventionner en ce moment, pour prévoir l'avenir de nos enfants. Alors là, je suis dans la bagnole, je sors de chez Olivier. Voilà, et puis on a bu quelques apéros chez Olivier, donc je commence à être vachement bien. Et je me suis dit que je voulais m'arrêter sur le bord de la route pour vous faire écouter le chant de la diagonale du vide. Te dire un truc. Attends. Bonjour, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, attends, je vais te poser une question. Non, c'est moi qui le tiens, Salut. Tu vas bien? Ça va? Est-ce que ça s'est bien passé les vacances? Ah non, je commence. Tu commences? Ah oui, je commence à partir de lundi mes vacances. Ah. Hier, il était bien le petit déjeuner? Très bien. Très bien. Vous êtes bien rigolé? Ça va. Ça va ? Tranquille ? Tu peux peut-être lui demander de se présenter non, à ce moment-là. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Frédéric Mortreux. Ton âge ? 51. Ton nom de famille ? Mortreux, je viens de le dire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bah, je travaille dans une série. C'est quoi le moment que tu préfères dans ta journée ? Le matin. Quand j'arrive, qu'il n'y a personne. C'est calme. Et quand on commence vers 7h, on est 3-4 à commencer, et puis ça arrive petit à petit, quoi. Après, ça bouge, quoi. Mais c'est vrai que le silence dans l'entreprise, c'est bien. Bah. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans le silence quand on ouvre le matin, comme ça ? Rien. À part quand j'ouvre les portes et puis qu'il y a 2-3 pigeons qui s'en vont de l'usine. C'est magnifique. Voilà. Puis on rallume tout, on prépare, et petit à petit. Alors on allume l'air, l'aspiration, le groupe pour l'air. Voilà. Puis ça commence à faire du bruit. Voilà, voilà. Souvent dans la voiture quand je rentre, hein, je m'amuse à tout, les bruits des pistons qui sortent ou le broyeur. C'est souvent comme je disais l'autre fois quand on est devenu, quand on s'est vu, tu fais de la musique avec. Tu peux chanter en écoutant un piston, quoi. Comme c'est tous jamais les mêmes. Parce que celui qui est plus près, il a moins d'air qui arrive, celui qui est plus loin, il... voilà. Et c'est vrai quand tu tires bien l'oreille, puis voilà. On écoute. Surtout les pistons, ça fait pouf. Et il y en a des plus forts, il y en a des moins forts. Ah, le broyeur, l'écorceuse. Ouais. Ah bah oui, là, elle croque. Elle. Voilà. Est-ce que tu as toujours fait ça ? Non. Non. Moi, j'étais avant... président de France Télécom, et après j'étais bûcheron, et puis j'ai toujours aimé le bois, alors j'étais débardeur, j'ai fait des coutures, j'ai toujours un peu dans le bois, c'est ce qu'on veut dire, quoi. Pas facile. Qu'est-ce que t'aimes dans le bois ? L'odeur, parce que c'est vrai que faut aimer, après bon, on aime bien tout ce qui est, oui, le travailler, je sais bien à travailler, c'est salissant, c'est comme la mécanique. La preuve, ça va encore. Voilà. On a l'impression que le travail occupe une place très très importante dans ta vie. Oui. Oui, bah ça là-dessus. Même il y a des gens, les copains, ils disent t'es chiant, ils parlent toujours de ton boulot. C'est vrai qu'on est toujours, et puis en plus qu'on a 2-3 copains qu'on se voit, et hop, on essaye hein, de prendre en parler. Hein. Non, c'est plus fort que nous, c'est un pour un, c'est l'autre. Hein. C'est... Même sans trop en parler, hein. c'est comme ça. Mais en fait, ça devient d'où ce truc du bois, toi ? Parce que tu dis que tu as toujours aimé le bois, que tu as toujours travaillé avec le bois, mais ça devient d'où ? J'ai commencé quand j'étais petit. J'ai commencé à faire le CAP, j'ai eu que la moitié, et puis après, moi j'ai dit, je pars. Je voulais faire ma vie et travailler. Alors j'ai arrêté l'école et je suis parti. Tu réponds pas vraiment à ma question, tu me dis depuis tout petit, mais tu me dis pas pourquoi le bois, quoi. Mon père. Mon papa, il aimait bien le bois et tout, et puis on est né à côté d'une forêt et tout, voilà. Forêt de Troncé. Papa, et puis toujours dedans. Qu'est-ce que vous êtes ton père ? Depuis tout petit. Il était imprimeur. Voilà. Et donc déjà le bois, quoi. Oui. Et voilà. pas en dire. On peut voir quand même que la politique nationale, elle laisse un peu à l'abandon les coins comme les nôtres, quoi. C'est pareil, l'évolution sur un budget d'une commune, il a sacrément changé. Hein. Les communes, moi, il y a 20 ans, je faisais un budget très facilement. Au jour d'aujourd'hui, très facilement. J'arrivais à clôturer les dépenses, les recettes sans problème, quoi. Au jour d'aujourd'hui, les dotations ont tellement baissé que les communes, elles peinent de plus en plus à survivre. Hein. Oui, parce que les grandes villes se disent aujourd'hui, on n'a plus de marge. On est obligé de faire attention, mais ils font pas attention comme nous. Ils font attention à pas gaspiller 1 000 euros ou à pas gaspiller 10 000 euros. Nous, on fait attention à 1 euro à chaque fois. Chaque euro compte, je n'irai pas jusqu'au centime. Chaque euro, c'est comme à la maison. On regarde tout. Alors, on arrive à un point où on va pouvoir faire plus que du fonctionnement. En fait, il y a peut-être un mot commun pour les paysans qui sont dans un système infernal où ils ont à survivre. Et les communes rurales, maintenant, sont aussi dans ce système-là de survivre. Bah, déjà, on a la chance aussi à Vire d'avoir encore notre école. Il faut savoir que c'est un combat aussi de 20 ans, hein, même plus de 20 ans. Il y a des communes qui ont lâché depuis longtemps, qui ont lâché volontairement, parce qu'ils considèrent que l'école, c'est un coût. Alors que moi, j'estime, et mon conseil municipal est d'accord avec moi là-dessus, on estime que l'école, c'est la vie du village. S'il y a des enfants qui vont à l'école et qui voient un petit peu comment vit le village, ils ont envie d'y rester, ils ont envie de faire vivre ce village. Hello. Hello, monsieur. Oui, très bien. Hey, ça va? Bonjour, ça va avec toi? Oui, ça va, ça va. Avec le beau temps. Oui, oui, moins chaud quand même. Hein. Ah ouais, c'est bien chaud, on est bien, on est mieux là. C'est grave. C'est grave, on va prendre un bel mal. Bah, alors c'est encore beau. Ça va, un petit pastis? Un petit carreau pastis tout le temps. Oui, oui, c'est merci. Encore une semaine à souffrir. Ouais, ouais, ouais. Après vacances. Et moi aussi. Là, moi aussi. Le passeport, la semaine prochaine, c'est moi. Vendredi à midi. Ouais, ben moi, pareil. Moi, oui, oui, oui. On va manger au resto et. Ah, bon, oui, oui. Nous, c'est la boîte hein, qui paye. Ah, ouais, oui. Chance. À tous les ans. Ah, bon, ouais. Tu manges où? Ah, bon. Un restaurant? On mange à Valon, cette année. Oui. On change tout le temps. Tu es bouchon? Merci. Radio Café, un documentaire d'Amélie Perrault et Adrien Chevrier, réalisé par Gaël Gillon. Mixage, Benjamin Vignal. Merci à la famille Shields de nous avoir accueillis dans leur café de Vieure et à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Je suis Tracy Shields, propriétaire de la Bar Shields à Vieure, dans l'Allier, en Auvergne. Je m'appelle Frédéric Mortreux. Diago. Marandère. Bernard. Bon, alors Yolande. Serge Tidman, maire de la commune. Moi, c'est Jenny Boudet. Brigitte, moi, je suis secrétaire de mairie à Vieure. Moi, je m'appelle Mikou. Je suis un paysan sans terre et un magicien au chômage. Oui, bien voilà, moi donc touriste de passage, alors tout à fait par hasard, je viens de Belgique et je prends vite note du village où je suis et je vous quitte sur de bonnes vacances. Meusan, Cévenole, Ilienne, Creusoise, Serveuse, Barman ou Habituée, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans les champs, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous laisserons la place au gros. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, une vie, une œuvre et l'expérience.